Exercice 10, page 53. A. Pareil. Sommeil. Accueil. Réveil. Soleil. B. Père. Mère. Frère. Peur. Mère. C. Sœur. Leur. Cœur. Cœur. E. D. Peuple. Seul. Peuvent. Veulent. Peut.